يقول ولهما عن ابن عمر اي لهما بخاري ومسلم انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لا سحر ان من البيان لا سحر qu'il y a dans l'éloquence de la sorcellerie. Dans l'éloquence, il y a de la sorcellerie. Et c'est vrai, les gens qui parlent bien, cela est une arme pour toi, c'est-à-dire pour le bien ou pour le mal. Pour le bien et pour le mal. Comme la poésie, comme la littérature, car ces deux-là peuvent être dans le halal. Et d'autres formes d'éloquence sont employées, mais sont dans le haram, comme dans la musique, ceux qui écrivent des paroles pour les musiciens. Eux, ils ont un sloub qui est de captiver les gens. C'est un ilm maintenant, c'est un art de savoir comment écrire, avec la rime, avec le mot placé au bon endroit, avec le bon exemple, et avec la musique qui va derrière. Chanson d'amour pour séduire les femmes, chanson de guerre pour inciter les troupes, et autres. Et parmi les formes de musique qui influent le plus sur les jeunes aujourd'hui, comme vous savez, il y a le rap. Et ces rappeurs, ils sont un peu comme les poètes. À la base, c'est une forme de poésie. Enfin, c'est les exemples de musique. C'est une forme de poésie. Et il y a qu'Allah Azza wa Jal wa shu'ara yadba'ahum al-gha'oun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yakuluna ma la yaf'alun. Donc les poètes sont suivis par les égarés. Et tu les vois errer dans les vallées et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas. Et quand tu regardes les rappeurs, même les chanteurs français du surtout les rappeurs, c'est exactement ça. Surtout dans ce qu'ils font, ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça déjà? L'ego trip. Non, l'ego trip. Quand il faut que se vanter. Faire, mettre leur personne en avant, avec des rimes et des métaphores, des choses qu'ils ne font pas en réalité. Moi je fais, moi je dis, moi je suis. T'es rien du tout, tu ne dis rien du tout, tu n'es personne. D'accord? C'est juste des paroles. Les gens l'entendent, ils aiment bien qu'ils ont devant eux un Superman. Dans le sens, tu vois. Ils ont devant eux un héros. Ils ont devant eux un homme qui a changé le monde. Il va changer du monde. Juste, il a pris son stylo, il a réfléchi, il a écrit des rimes, toi tu l'écoutais, il t'a séduit, avec la musique derrière. Et tu le vois comme un surhomme, surhumain. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ou il y a aussi ce côté mise en scène, t'inventes des films, t'inventes des scénarios, font passer pour des gangsters, pour des bandits. Rien du tout. Rien du tout. Sache qu'un vrai bandit, un gangster, il raconte pas sa vie. Un mafieux, la plus grosse bêtise, c'est de dire ce qu'il fait. C'est quoi son but? C'est pas se faire attraper. C'est d'éviter la prison, d'éviter qu'on sache qui il est. Donc quand tu viens et tu fais des rimes, je fais. Et ben t'as rien compris. T'es la première preuve que tu ne sais pas qui tu es. Ou au minimum, si tu le fais pas bien. D'accord? Car le but, c'est d'être discret. Donc, un bandit qui se dit mafieux, qui fait de l'argent de façon illégale et qui fait du rap en même temps, qui balance tout ce qu'il fait, ben c'est un imbécile. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Et sinon, ce qu'il fait, c'est que du RIA. C'est que ostentation. C'est pour qu'on dise de lui qu'il est. D'accord? Et la musique, à la base, c'est haram, de toute façon. D'accord? Donc, Allah Ta'ala, « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَدِ اللَّهَ وَالْحَدِيثِ لِيُدِ اللَّهَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » Parmi les gens, c'est toi qui achètes des paroles de distraction pour égarer les sorties d'Allah. Voyez, bûl ilm wa yattakhidhu wa huzwa ulai ka lahum azabun muhin. Donc le hawa al hadith, Ibn Mas'ud, il a juré que c'était la musique al ghina. Quand des gens disent dans le Coran, il n'y a pas de verset qui dit que c'est la musique. Il dit, ce verset-là le dit, soit Luqman. Il dit, c'est pas expliqué. On dit c'était interprété par les salaf, les sahaba. Quand il y a des versets, des fois, ils ont un tafsir qui est autre que ce que tu vois en premier lieu. Qui est autre que ce que tu vois en premier lieu. tu as besoin d'une explication. Et les gens les plus aptes à t'expliquer sont ceux qui étaient là lorsque le verset est descendu et qui savent pourquoi il est descendu, en quelle cause. Donc Ibn Mas'ud, qui était le plus grand mufassir des sahaba, de son vivant, à tel point qu'il disait, si je connaissais quelqu'un qui était plus savant que moi dans le Coran, j'irais prendre ma chamelle, j'irais vers lui pour apprendre. Il a dit, le Nabi Salem n'a pas resté un verset sans que je lui demande à ce sujet. Attends, je ne sais pas si c'est lui ou Ibn Abbas qui a dit ça. Ibn Abbas, hein, qui a dit ça, non. Je confonds. Quoi qu'il en soit, de son vivant, Ibn Mas'ud était l'homme le plus savant dans le Coran, dans le sens, dans le tafsir. Il a dit que c'était le rina, c'était la musique. Il a dit également que la musique fait pousser les poucrésies dans les cœurs. Ton but est de nifaq. Celui qui écoute de la musique, il aura du nifaq dans son cœur. Et tu les vois, ces rappeurs qui se disent avoir un message, soi-disant, d'appel à l'islam, tu es assis entre deux chaises. Et ce sera ou l'une ou l'autre. Tu ne pourras pas joindre les deux. Le haq, il n'est pas mélangé au bâtil. Donc tu les vois, soit ils comprennent, soit Mouafakoun, ils arrêtent. Et certains, ils ont arrêté, Fialan. Mouafakahumullah. Ils ont arrêté la musique. Ils ont vu que ça va pas ensemble. Et d'autres, ben, ils sont empirés. Au début, ils avaient un texte un peu, ils parlaient un peu d'islam. Après, ils l'ont viré du côté des rappeurs. Complètement. Au début, c'était Allah, son messager. Après, c'est devenu... Voilà. Même l'apparence, ça l'a changé. Tout. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de voie intermédiaire. C'est ça. Ou l'un ou sera l'autre. Ou l'un ou l'autre. Donc la da'wa par la musique, c'est que des péchés pour la personne. Fisk et bid'a également. Parce qu'ils ont fait moins de da'wa, alors ça n'en est pas un. Donc s'il dit à la ta'aboud, quand c'est ta'aboud, tu as fait une bid'a. Il n'y a pas de musique dans la da'wa. Et tu ne seras pas meilleur da'i que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les sahaba, certains ont des très belles voix comme Abu Moussa al-Ash'ari dans le Coran. Est-ce qu'ils chantaient? Ils ne chantaient pas. Et Masmo Ibn Taymiyyah, elle a dit que les salafs considéraient le Mouhanni, le chanteur, comme un efféminé. Mouhannas. Chez les salafs, le chanteur, c'est un efféminé. Donc ce n'est pas de la vérité. Ce n'est pas de la vérité du tout. Chez les salafs, ça aurait été comme... voilà. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yakunanna min ummati man yastahil al-hir wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Rapporté par le Bukhari. Donc dans ma communauté, certains vont rendre halal la soie, pour les hommes, l'alcool et les instruments de musique. Donc ça veut dire que c'est pas halal à la base. Et lorsque Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu est rentré chez le nabi sallallahu alayhi wa sallam le jour du Eid, qu'il y avait des jeunes filles qui chantaient, il a dit ma'azif al-shaytan ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, laissez, car aujourd'hui, c'est un jour de Eid. C'est-à-dire qu'à la base, Abou Bakr, ce qu'il a dit là, il a monté de sa tête, et là, ce qu'il savait que ce n'est pas permis. Sauf qu'après, il y a eu exception pour ce jour-là, pour les femmes, qu'elles chantent avec du douf, seulement, du douf. En dehors de cela, ce n'est pas permis. Car c'est juste pour le Eid, et pour les munasabat, comme les araf, les aras, je veux dire, les nos. C'est tout. En dehors, elle n'a pas à le faire. Donc, Abou Bakr, c'était un mutashadif, il avait du rouleau, c'est un extrémiste. Haddek, tu dis ça. Tu dis ça, t'as un rafidi, Shiba, un rafidi. D'accord. Et le Nabi Salam ne l'a pas blâmé. Il a dit, non, c'est permis. Il a dit, aujourd'hui seulement, laisse-les, car c'est un jour de fête. Pour le Eid. D'accord. Et en plus, des paroles halal, juste du douf. Et en plus, c'est des petites filles. C'était des petites filles. Donc, cette musique-là, et aujourd'hui, des frères m'ont informé que, justement, en France, le rap est la musique qui vend le plus. C'est la musique qui vend le plus. Les rappeurs sont les plus grandes stars de France actuellement, parmi les artistes dans la musique. Pensez-vous que cela il est au hasard? Quand je dis au hasard, je parle. C'est arrivé comme ça sans... Hein? Quand je dis au hasard, je parle pas d'une chose qui est hors du contrôle d'Allah. Je parle d'une chose qui est venue sans cause. C'est ça que je veux dire. Là, sûrement pas. Car à la base, l'esprit hip-hop, c'est pas du tout la culture française. Mais alors, pas du tout. D'accord. Et simplement, c'est un mouvement qu'on trouve dans les quartiers qu'ils décrivent comme étant défavorisés, dans les banlieues, dans les cités ou autres. Et qui sont les gens qui appliquent le plus dans ce genre de localisation? les musulmans. Les plus fréquents là-dedans sont les musulmans. Donc c'est quoi leur but par cela? C'est ben égarer les gens. Ça veut dire, quitte à avoir des gens qui fassent de la musique, alors autant mettre, en faire des modèles pour la jeunesse, et prendre des gens de chez eux, qui vont les éloigner du Coran. Ils vont prendre un jeune maghrébin, et ils vont lui ouvrir les portes, bon, le monde de la musique. Car, crois pas, hein, ces gens-là, s'ils veulent, t'avances pas. Dans la musique, c'est une histoire de connaissance, de piston, et voilà quoi. C'est pas vraiment une histoire de talent. C'est l'histoire de connaissance en premier lieu. S'ils veulent te boycotter, te boycottent. Et ton disque, tu vas l'entendre dans la rue comme certains ils vendent des châtaignes. Tu ne verras pas une star. À part celle-là, il a 4 d'or, tu vois. Après, Allah, je ne sais pas dire. Tu vas être une star, tu vas en être une pour les gens. Mais je parle d'une haïsul asbab. Dans le monde de la musique, tu ne montes pas que si eux te laissent monter. Tu peux être un mauvais, tu veux que tu montes, tu vas monter. Et tu peux être un bon, dans leur vision des choses, si ils veulent pas que tu montes, tu ne monteras pas. Donc ils vont choisir un qui est un bon, après, d'accord, et ils vont le mettre en avant, promotion. La promotion, c'est la promotion. Ton nom, il est partout. Maintenant, ils ont des nouveaux systèmes que je ne connais pas avec les réseaux sociaux, tu vois. Quoi qu'il en soit, tu es partout, ta musique passe dans toutes les grandes radios, donc les gens, ils t'entendent, ils te connaissent et ils t'aiment. Ça rentre dans le cœur. Toute la journée, ça... Le refrain, il passe, il repasse, il repasse, il repasse, il repasse. Donc au résultat, qu'est-ce que tu deviens? Connu, et les gens veulent ta musique. Avant, tu avais des gens, ils avaient une musique, tu te dis, mais comment les gens écoutent ça? C'est parce qu'en fait, c'est tellement mis dans leurs oreilles que ça rentre. Sans compter d'autres trucs qu'il y a derrière encore. Donc, eux, là, c'est une darwa qu'ils font. Ils vont prendre des petits Africains, parmi eux des Maghrébins, et des gens affiliés à l'islam. Ils vont mettre en avant, ils vont faire un exemple pour les autres, et hop, vas-y, embarque-les avec toi. Ah, MC, t'écoutes pas le Coran. Tu vas pas au masjid, va à son concert, regarde tel clip, regarde telle chose, et oublie ton islam. Et voilà. Donc tout ça, c'est une darwa. Je t'ai dit, ces gens-là, ils ne laissent rien au hasard. Tout est calculé. Le sport, pareil. Ou les télé-réalités, ils vont mettre tout le temps une petite maghrébine, un petit maghrébin, comme ça, un petit beau gosse, ils vont te mettre devant pour appâter les autres. Et c'est une darwa également en pays d'islam. Car tu, pour les autres en pays d'islam, tu es celui qui a réussi. On dit, regarde, c'est un Marocain, il a réussi en France. Regarde, c'est un Sénégalais, il a réussi en France. Regarde, c'est un Algérien, il a réussi en France. Donc tes petits là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'envient. C'est une darwa. C'est une darwa qu'ils font. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayyin nasikhara. Donc ces gens-là, avec leurs paroles, ils enjolivent le mal. Le mal, ils te le rendent bien. Et le bien, ils te le rendent mal. Par des rimes, par des paroles, par des voix, par des flots et par différents moyens. Ça rentre dans les cœurs. Et ça influe. Ça influe. Donc, ça rentre dans une forme de sorcellerie. Parmi eux, il y en a, il faut vraiment du shirk pour arriver à réussir. Et t'en as d'autres, leur shirk, ça travaille leur éloquence. D'accord? À travers leur parole. T'as des femmes, t'as un chanteur, il est immonde. Même pas il est moche, il est immonde. Mais comme il aura une belle voix et des belles paroles, hop, elles vont craquer pour lui. Ah, il a un homme de shirk. Femme d'envoûtement. Par contre, chez la femme, c'est pas pareil. Il faut qu'elle soit belle. Parce que même si elle a une belle voix, ils vont mettre une doublure. Ils vont pas la mettre, elle. Ils vont dire, non, toi, si on te voit, ils vont... tu vas plus vendre. Ils mettent, il faut mieux mettre une belle femme. Mais ils trouvent, une qui est jolie et qui a une belle voix, ils vont trouver. Et si elle a une belle de voix, elle est pas belle, ils vont la cacher, ils vont mettre une autre à sa place. Non. Yaqul, al-bayan, ay, al-balara, ou al-fasaha. Donc, c'est l'éloquence. Et attention, c'est pas propre à la langue arabe, dans toutes les langues, soit en français, soit en arabe, soit en anglais, l'éloquence, elle est là dans toutes les langues. Tu vas trouver des gens, ils sont très éloquents. Dans les littératures qui a des millénaires, qui jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours lue. Des poésies qui a qui datent de décennies, et aujourd'hui, elles sont encore appréciées par les gens. C'est indémodable, comme ils disent. La sihra ay ta'thiran, ka ta'thir al-sihr. Qui a, en fait, la sihra, c'est-à-dire qu'il y en a un effet sur les gens comme la sorcellerie. Même dans la musique, parmi les plus grands vendeurs de musique, les anciens, musique classique, les Mozart, les gens comme lui. Mozart, il est mort depuis longtemps. Sa musique, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, elle se voit encore. Qu'est-ce qu'il faisait? Allah, ce qu'il faisait pour ça, à ce stade-là. Mais ça a été. T'as des gens comme des Chopin, également, un peu plus récent, mais toujours ancien, ils vendent jusqu'à présent. Et un chanteur, grand vendeur, c'est un chanteur qui est mort. Plus t'es mort, plus tu vends. Si aujourd'hui tu vends tant, quand tu seras mort, tu vas vendre le quadruple. Le quadruple. Pourquoi ? Parce que les gens, les koufars, le mort, ils voient du bien en lui. Quand il est vivant, il est jalouse. Il l'aime pas. Il le critique. Dès qu'il est mort, tu les vois, ça tombe des loches sur lui. Oh, il était, oh, il était, oh, il était. Ils sont vivants, les gens ne l'aimaient pas. Ou du moins, on va dire, congénère, ceux qui sont dans le même niveau que lui, dans le même domaine que lui, ne l'aimaient pas. Pourquoi il le jalousait? Dès qu'il est mort, voilà, il n'est plus là, mais on parle de lui en bien. Mais les fans l'aiment encore plus. Et les gens qui le produisaient sont encore plus d'argent. Dans la même défaut, ils tuent leur artiste. Hein. Ils disent, quand je vais le tuer, lui, mort, il va avoir plus d'argent encore. Donc le mort a encore plus d'effet sur le vivant, mais le mort, dans sa tombe, est encore plus châtié de ce qu'il a fait dans cette dunia. Sa musique qui est écoutée par les gens, il continue à subir les affres. Il aimerait revenir sur terre et dire, écoutez même plus. J'aurais voulu être muet, sourd, aveugle, paraplégique. Je sais pas danser, d'accord? Je sais pas parler, j'entends rien, je vois pas. Là, c'est trop tard. Donc là, c'est un avertissement pour ceux qui disent rappeurs, qui appellent à l'islam soi-disant. Que ce qu'ils font, c'est haram. D'accord? C'est du fisc, c'est des foussacs. Et si jamais ils en font une da'wa, c'est une bid'a. C'est une bid'a. Et quand je dis rappeur, c'est aujourd'hui le rap, c'est ce qu'il y a de plus. Ça peut être n'importe quel genre de musique. Tu appelles l'islam par la musique, tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de musique islamique. Comme il n'y a pas de banque islamique. D'accord? Comme il n'y a pas de ce qu'on appelle. Comme demain, on te dit, ouais, de l'alcool islamique, ça n'existe pas. Soit c'est de l'alcool, soit ça n'en est pas. Si c'est de l'alcool, c'est pas islamique. Mais la musique, soit ça en est, soit ça en est pas. Mais il n'y a pas de musique islamique. On n'islamise pas le haram. Le haram, il est haram. Comme si quelqu'un te dit, c'est du porc qui est halal, islamique. Ça n'existe pas, ça. Il a été égorgé. Ça reste du porc quand même. Ça reste du porc quand même.